الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا درسنا 24 في المورد العذب الزلال للشيخ النجمي حفظه الله تعالى. Voici notre 24e cours dans ce livre qui est la source abondante et délicieuse de Cheikh Najmi Hafidhahullah Ta'ala. ومع الملاحظة الخامسة حضور البنا للأعياد المبتدعة ومحاضرته فيها. قال في قافلة الإخوان حسن البنا في الأسكندرية، ثم قال: دعا الإخوان المسلمون في الأسكندري بالأسكندرية إلى الاحتفال بذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حفل يحضره فضيلة المرشد العام بمسجد نبي الله دانيال. واستقبل الإخوان الأستاذ المرشد على محطة السكة الحديدية قبيل صلاة المغرب، إلى أن قال: وبدأ الأستاذ المرشد محاضرته بحمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة والسلام على رسول الله الكريم، ثم دخل في موضوع الذكرى فقال: نحيي ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن حق الناس جميعا مسلمين وغير مسلمين أن يحتفلوا بهذه الذكرى المباركة. فرسولنا عليه الصلاة والسلام لم يأتي للمسلمين فقط، وإنما بعث رحمة للعالمين الإنس والجن، إلى آخر ما قال. وهذا في قافلة الإخوان المسلمون المجلد الأول صفحة 48. Donc maintenant nous sommes avec la cinquième critique des Ikhwan al-Muslimin et de leur fondateur. Ici la cinquième critique, Cheikh Najmi nous dit que le Banna assiste aux fêtes innovées. Et il donne même des conférences durant ces fêtes innovées. Ceci est rapporté dans le livre « La caravane des Ikhwan », tome 1, page 48. حسن بناء الإسكندرية. حسن بناء في الإسكندرية. Il a dit, c'est-à-dire حسن بناء, il a dit, les frères musulmans, l'écrivain du livre, il a dit, les frères musulmans ont invité des gens à assister à la fête du Mouloud, la fête de l'anniversaire du prophète alayhi salam, à une fête où va être présent son éminence, le guide général, c'est-à-dire Hassan al-Banna, et l'invitation s'est faite à la mosquée du prophète d'Allah, Daniel, et les Ikhwan ont accueilli Hassan al-Banna à la station du train avant Salat al-Maghrib. Et il a dit, et le stade, c'est-à-dire Hassan al-Banna a commencé sa conférence avec les louanges à Allah Azza wa Jalla et la prière sur le prophète alayhi salam. Il est rentré dans le vif du sujet qui était la dhikra, l'événement qui est la fête du Mouloud. Il a dit, nous faisons vivre cet événement qui est la naissance du prophète alayhi salam, et il appartient, il est des droits de tout un chacun, musulman et non musulman, de fêter cette fête. Il doit marquer cet événement béni, car notre prophète alayhi salatu wassalam n'est pas venu tout simplement pour les musulmans, mais il a été envoyé clémence aux deux mondes, aux djinns et aux humains, jusqu'à la fin de son discours. وقال محمود عبد الحليم في كتاب الإخوان المسلمون أحداث صناعة التاريخ وأقام الإخوان حفلا بشطبة العباسية بالقاهرة بمناسبة ذكرى غزوة بدر، وألقيت فيها كلمة المرشد العام التي نشرت في الصحف في اليوم التالي وفي مجلة الدعوة صفحة 4 و5 عدد 13 رجب 1397. قال أن عمر تلمساني كتب مقالا بعنوان الإسراء، قال فيه إن الاحتفال بهذه المناسبة يدل مظهره على التعظيم لشأن هذه المعجزة الباهرة. انتهى، بواسطة كتاب الإخوان المسلمون في ميزان الإسلام. محمود عبد الحليم dans son livre Les frères musulmans, un événement qui a fait l'histoire, il a dit dans ce livre, les Khouans ont fait une fête à Chatba al-Abbasiyya au Caire, à l'occasion de la bataille de l'événement de la bataille de Badr. Et durant cette fête, le guide général a donné un discours qui a été après édité dans les journaux le lendemain matin. Et dans Majlat al-Dawa, à la page 4 et 5, dans le numéro 13, le mois de Rajab 1397. Et on cite que Omar Talamsani a écrit aussi sous le titre de l'Isra, c'est-à-dire le voyage nocturne. Il a dit: le fait de fêter cette occasion prouve la grandeur de cet événement et de ce miracle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à Muhammad alayhi salatu wassalam. Ceci est rapporté directement dans Ikhwal al-Muslimoun à la balance de l'islam, page 71. Et là, le Cheikh Najmi hafidhahullah ta'ala yaqul qultu al-ihtifal bil mawlid bid'a ahdatha al-ubaydiyun. Wal-ubaydiyun khala islam firqa min firaq ar-rafida. وهم باطنية، وهذا اللفظ يطلق على أتباع إسماعيل الباطنيون، والباطني يطلق على أتباع إسماعيل بن جعفر. والباطنية تقول بأن النصوص عبارة عن رموز وإشارات لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها، لا يعرفها إلا هؤلاء الخبثاء الباطنيون. وجدهم هو ميمون القداح، وهو يهودي، وهو من أصل يهودي. الشيخ عبيد حفظه الله تعالى de nous dire que le fait de fêter le Mouloud, la naissance du prophète عليه الصلاة والسلام, c'est une innovation qui a été créée par l'Ubaydiyoun. L'Ubaydiyoun, c'est une secte parmi les sectes des Rawafid. Seulement, ce sont une secte qu'on appelle, dans laquelle rentrent d'autres sectes, qui sont le Batiniya. Et ce terme le Batiniya, ce sont les disciples qui suivent Ismaïl ibn Ja'far, Ja'far l'imam, le sixième imam des Rafida. Le Batiniya, ils suivent son fils Ismaïl. Ils disent que les textes, ce ne sont que des symboles et des jalons. Et qu'ils ont une autre signification intérieure. Et que les musulmans ne connaissent pas les textes. La réalité, c'est seulement le batinien qui la connaissent. Ça veut dire que toutes ces interprétations que font les hommes de science, du Coran, de la Sunna, Ibn Kathir, etc., c'est rien par rapport à la connaissance intérieure qu'ont le batinien. Mais rien d'étonnant, parce que leur grand-père, c'est Maimoun al-Qaddah, il était d'origine juive. L'ihtifal bil mawlid bid'a, ahdatha al-ubaydiyoun, alladhina malakou al-maghrib. ثم امتد ملكهم إلى مصر في القرن الخامس الهجري، ولم يفعله أحد من الخلفاء الأربعة ولا سائر الصحابة، ولا علمه أحد من أهل القرون المفضلة. فهل علموا فضله وتركوه أم جهلوه؟ فإن قلتم علموا فضله وتركوه فقد كذبتم عليهم، وإن قلتم جهلوه وعلمتموه أنتم فأنتم أحق بالجهل منهم. الشيخ دو نودير كو لو فيت دو فيتي المولود إت إنوفاسيون. Qui a été innové par ces Ubaydites, Rafidites, Batinites, qui avaient leur règne sur le Maroc, et leur royaume s'est étendu sur l'Égypte au 5e siècle, sinon la naissance de la dynastie Ubaydine Aoula, c'est au 4e siècle. Mais ils ont mis la main sur l'Égypte à partir du 5e siècle. Et cette fête d'Al-Mouloud, aucun compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam, ne l'a faite. ni le Khulafa al-Rashidun l'ont fait, ni aucun compagnon ne l'a fait. Et parmi les gens des plus nobles générations désignées par le prophète alayhi salam, personne n'a fêté le Mouloud. Est-ce que maintenant, cher de poser cette question, est-ce que maintenant ils ont su les vertus de cette fête, ils l'ont délaissée, ou alors ils ne la connaissaient pas, ils étaient ignorants de cette fête? Si vous dites, cher leur répond, il dit, si vous dites qu'ils savaient les vertus de cette fête, ils l'ont délaissée, vous avez menti sur eux. Vous avez émis un mensonge contre eux. Et si vous dites, ils l'ont ignoré, vous, vous le savez, donc, vous êtes en priorité les premiers ignorants et non pas eux. Et vous, vous êtes plus ignorants qu'eux. وكما قال بعض السلف لو كان خيرا لسبقونا إليه ولا تستغرب الآن عندما تسمع في الأوساط الأوروبية هؤلاء حولك في فرنسا يريدون تقويما بالأعياد وبالصالحين وبالأولياء مثل ما عند النصارى مثل التقويمات التي عند النصارى donc comme il a dit l'un de nos plusieurs dans la même saison tient bien. Qui aurait fêté la naissance du prophète alayhi salam? C'est non, le prophète lui-même, ses compagnons, etc. Donc si c'était un bien, ce serait le premier à le faire. Mais ce n'est pas un bien. Il ne soit pas étonné que maintenant, dans ton entourage, et surtout au nord de la France, surtout certains insensés, de dire il nous faut un calendrier musulman avec les fêtes. Combien de fêtes il y a? Il n'y en a que deux. Il dit il nous faut un calendrier, comme le calendrier qu'ont les chrétiens, avec des jours où on marque Sainte Razali, Sainte Lbenna, etc. T'étonnes pas. Hada indalla ala shay innama yadullu ala inhilafi hadi aljama'a bihtifalihim bilmawlid annabawi. Wa ma'lum anna alladhi yaf'alu hadi alashya' hum as-sufiyyah al-khurafiyyah wa amma as-sunni as-salafi al-muwahhid الذي تربى على التوحيد ونشأ على السنة ما يمكن أبدا أن يقبل هذه البدعة. وقول الشيخ أن العبيديين نشأوا في القرن الخامس الهجري هو إحداث. وقول الشيخ القرن الخامس الهجري أي أنه في القرن الخامس الهجري أحدثت هذه البدعة. بدعة الاحتلال الاحتفال. أما الدولة العبيدية كما الباطنية فقد نشأت في القرن الرابع كما مر. Donc, et ça, si ça te prouve quelque chose, ça te prouve que ce groupe est un groupe d'égaré. Il est dans l'égarement. Le fait de fêter le Mouloud, la naissance du prophète, alayhi salatu wassalam. Parce que ne fait, ce qui est connu, c'est que ne fait ces fêtes-là que les soufis, ceux qui vivent sur les histoires à dormir debout. Parmi le soufia, le khurafia, le sunni, le salafi, le monothéiste, celui qui est éduqué avec le monothéisme et la sunna, ne peut pas faire ce genre de dénovation. Et donc, quand le cheikh il a parlé que du 5e siècle dans le paragraphe, c'est-à-dire que durant le 5e siècle, il y a eu la création et l'innovation de cette fête. Sinon, cet état batinite des rawaf et al-khawab, al-khubatha, il est né au 4e siècle. والملاحظة السادسة انعكاس هذه العقيدة أي التساهل في شرك الألوهية انعكاسه على أتباعه بل على قادتهم والمنظرين في منهجهم كمصطفى السباعي وسعيد حوى وعمر التلمساني وأمثالهم وإليك البيان. فأما مصطفى السباعي المرشد العام للإخوان المسلمين في سوريا فقد قال في قصيدة نظمها في الروضة الندية كما يقول وتلاها أمام الحجرة قبل الحج وبعده وعنوانها مناجاة بين يدي الحبيب الأعظم ومن ضمن ما قال فيها الله المستعان. ومصطفى السباعي كان رئيس تنظيم إخواني في سوريا وسعيد حوى كان من المنظرين ومن شيوخ الجماعة في سوريا في مدينة حماة وعمر التلمساني كان المرشد العام للجماعة في القاهرة فالبلاء ممتد إلى خارج مصر. Donc la sixième critique qui m'échire sur le jama'a et sur les fondateurs de la jama'a, c'est que le fait de négliger, de ne pas donner l'importance au monothéisme et au pilier de l'adoration qui est le fait de réserver le culte à Allah, Azza wa Jalla, de combattre l'associationnisme, ceci est passé du fondateur sur les disciples. Il est tête d'Yel Ikhwan, ne donne pas l'importance à l'unicité et au monothéisme de l'adoration. Que ce soit leur guide, leur leader et leur théoricien, dont leur voix ils ne donnent pas. Mustafa Sba'i, qui était le guide d'Yel Ikhwan en Syrie, vous allez voir ce qu'il dit dans un poème. Saïd Houa, qui est un théoricien du groupe, il est un des grands chouurs du groupe, la même chose dans ses livres. Omar Talamsani, qui était à la tête, le guide général du groupe dans le monde entier, la même chose. Et Sba'i a dit dans un poème, qu'il a dit devant la chambre où t'enterrait le prophète, alayhi salatu wassalam, il l'a dit avant le hajj et après le hajj. Et le poème s'appelait « Un appel entre les mains du grand aimé ». C'est-à-dire, il parle du prophète, alayhi salatu wassalam. Et ceci, tu le trouveras dans le magazine Hadarat l'Islam, qui est un numéro particulier, qui est sorti à l'occasion de la mort de Mustafa Sba'i. Il est sorti au 1348 de l'Égypte. La hadad, c'est le numéro 4, et le numéro 5 et le 6. Hein? Fa, Mustafa Sba'i était à la tête de l'organisation d'Yel Ikhwan al-Muslimin en Syrie. Saïd Houa, c'est leur grand cheikh, leur grand théoricien. Il y a beaucoup de livres qui sont des piliers dans le Jama'a, des livres sur lesquels s'appuie le groupe. Et il était en Syrie aussi dans la ville de Hama. Omar Talamsani était le guide suprême, le guide général du monde entier. Et il était au Caire. Donc, le mal d'Yel Ikhwan al-Muslimin s'étend de l'Égypte vers les autres pays. Et dans les autres... فالآن اسمع لما قال سباعي وهو يناجي الرسول صلى الله عليه وسلم يا سائق الضعن نحو البيت والحرم ونحو طيبة تبغي سيد الأمم إن كان سعيك للمختار نافلة فسعي مثلي فرض عند ذي الهمم يا سيدي يا حبيب الله جئت إلى أعتاب بابك أشكو البرح من سقمي يا سيدي قد تمادى السقم في جسدي من شدة السقم لم أغفل ولم أنم سبحان الله. Il parle à celui dont la poésie est donné le sens. Parle à celui qui a amené son sacrifice vers la maison sacrée de Allah, Azza wa Jal, qui est le haram, et vers celui qui est allé à Médine. Il dit à celui qui est allé à Médine, c'est ton voyage vers le prophète, alayhi salatu wassalam, est un truc surrogatoire pour toi, il est pour moi obligatoire. Le fait de visiter la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est une surrogation. Ce n'est pas une obligation dans le hajj. Et là, il le fait obligatoire. Et là, il appelle le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, Ya Sayyidi, Ya Habib Allah, je suis venu vers toi, et devant ta porte, je me plains de la maladie que j'ai. Il appelle qui? Le prophète alayhi salatu wassalam directement. Ya Sayyidi, le mal s'est propagé dans mon corps et la force du mal ne m'a pas laissé dormir. À qui il se plaint? Le prophète alayhi salatu wassalam. Après, tu t'étonnes pas que les pauvres communs, ils tombent dans ce genre de truc. Hadou, c'est la tête. Hadou, ce sont leurs écrivains, c'est les théoriciens, c'est les leaders du groupe. Ma hukm ma sami'tum fi abiyat sba'i. Yas'al wa yad'u man hasbunallah wa ni'mal wakeel. Aina al-aqida? Aina al-tawhid? Ya sayyidi ya habib Allah, ji'tu ila a'tabika, ashku al-barha min saqami. Fa hal ash-shakwa lillah am li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam? Wa hadha lam yasdur min 'ammi, walakin sadara min al-murshid al-'am lil ikhwan bi Syria. وبعد هذا يكذب الإخوان المفلسون ويقولون نحن على عقيدة سلفية وأنتم تسمعون الشرك الذي عند رؤسائهم عندهم الشرك الأكبر في أشعارهم ويستغيثون بالموتى ويتوسلون بهم Donc, c'est quoi le jugement des poèmes que vous avez entendus, des poèmes que vous avez entendus? Sba'i, il demande à qui? Il demande à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam directement. Oh Sayyidi, ya Sayyidi, ya Habib Allah. Je suis venu devant ta porte. Je me plains de la maladie. Est-ce qu'on se plaint à Allah ou on doit se plaindre? On doit se plaindre à Allah ou au messager alayhi sallallahu alayhi wa sallam? Et ceci, ce ne sont pas des paroles d'un commun. Quelqu'un qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire. Là, hada, c'est la parole du guide général des Ikhwan en Syrie. Et après ça, les Ikhwan, à travers le monde, ils disent, ils mentent, nous avons une aqida salafia. Quelle aqida salafia? Vous entendez l'association, ce qui est, c'est leur tête. Pas chez le commun, c'est les théoriciens, c'est les leaders du groupe. Dans leur poésie, il y a le grand associationnisme. Ils demandent secours aux morts. Ils prennent comme intermédiaire les morts. ويقول الشيخ الملاحظة على هذه الأبيات. Et maintenant, voici la critique que va émettre Cheikh Najmi Hafidhahullah Ta'ala sur ces vers, sur ces poèmes. أولا أنه جعل سعيه إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فرضا وهذا بدعة في الدين لأن شد الرحال لا يجوز إلا للمسجد. Cheikh de nous dire, première critique sur ces poèmes. C'est qu'il a fait que son voyage, il est pour la tombe du prophète alayhi salatu wassalam. Et il a fait que ce voyage vers la tombe du prophète alayhi salatu wassalam, c'est une obligation. Et ça, c'est une innovation dans la religion, car on ne voyage pas vers la tombe, on voyage pour la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. On voyage pour aller visiter la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam, pour faire des prières, pour se rapprocher, pour avoir la récompense qui découle de la prière dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Et on va saluer le prophète alayhi salatu wassalam en passant devant là où il est enterré. Deuxièmement, ثانيًا أنه جعل لسعي إلى القبر حكما غير الحكم الشرعي حيث جعله فرضا وهذا قول في شرع الله بدون دليل بل مجرد الهوى. Deuxième point, c'est qu'il a fait que son voyage vers la tombe, il a donné à son voyage vers la tombe une sentence législative. Puisqu'il a fait que c'est obligatoire. Et ça, c'est parlé dans la législation de Allah Azza wa Jal sans preuve, si ce n'est le hawa. Disney, les passions. Est-ce qu'on aime? On le met en avant, on le fait obligatoire. Thalitan, أنه استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم وناداه شاكيا وذكر أنه جاء من مسافة شهر أي من سوريا إلى المدينة المنورة شاكيا ومستغيثا ومستجيرا وهذه قارعة القوارع. هذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة. فهل لا شك إلى الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. الشيخ دو نودير troisième point néfaste dans ses poèmes, c'est qu'il a demandé secours au prophète alayhi salatu wassalam. Et il a appelé le prophète alayhi salatu wassalam en se plaignant directement au prophète alayhi salatu wassalam. Et il lui a dit qu'il est venu d'une distance d'un mois de marche, c'est-à-dire de la Syrie jusqu'à Médine, pour venir se plaindre et demander secours et trouver refuge auprès du prophète alayhi salatu wassalam. Et ça, c'est celle qui casse le dos. Hein? Et ça, c'est le grand associationnisme qui sort de l'islam. Pourquoi il ne demande pas, il ne se plaint pas à Allah Azza wa Jal, à l'éternel, au puissant? Halla baha bid-durr ila man anzalahu wa qaddarahu wa huwa qadirun ala raf'ihi mata sha. Pourquoi il n'a pas exposé sa situation à Allah Azza wa Jal, qui lui a donné cette maladie? Et qui est le seul capable de le guérir de cette maladie. وإذا كان هذا حال المنظرين في هذا المنهج فما بالك بحال غيرهم وما لم يدون أضعاف أضعاف ما دون فإنا لله وإنا إليه راجعون. Et c'est ça, c'est la situation de l'un de leurs grands et de leurs théoriciens et de leurs guides. Hein? Qu'est-ce qu'il en est des autres qui sont le commun d'Al-Ikhwan? ce qui a été écrit, ce qui n'a pas été écrit, ce qui n'a pas été transmis de leur catastrophe, est encore plus grand que ce qu'ils ont écrit. Et ce qui a été écrit est mis dans les livres, etc. وأما سعيد حوا فقد ذكر في كتابه تربيتنا الروحية وهذا كتاب من الكتب المعتمدة عند الإخوان حيث أثنى على الطريقة الرفاعية وزعم أن أصحابها لهم كرامات ومن كرامتهم أن الواحد منهم يضرب بالشيش أي الحديد مثل السيف في ظهره حتى ينفذ من صدره ثم ينزع منه ولا يتأثر وكأنه يعتقد بأنهم أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على المغفر فغاصت أي دخلت حلقة المغفر في وجنتيه عليه الصلاة والسلام فسال الدم على وجهه عليه الصلاة والسلام فقال كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبي بالدم. Maintenant voici سعيد حوا, l'un de leurs grands chouyouch. Ses livres, c'est une référence chez eux. Il a dit dans son livre, notre éducation spirituelle, Tarbiyatun al-Ruhiya, et il a fait l'éloge de la voie d'Al-Rifa'iya, qui est une secte d'Al-Sufiya. Et il a prétendu que les adeptes d'Al-Rifa'iya sont comblés d'un bienfait min Allah Azza wa Jal, et fait partie de ces bienfaits avec lesquels ils sont comblés, c'est que le cas, on le frappe avec une barre de fer de son dos jusqu'à la sortir de sa poitrine. Et on l'arrache, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ni blessure, ni rien du tout. Et ça ne lui fait rien du tout. Comme s'il croit que ceux-là, les adeptes d'Al-Rifa'iyya, sont mieux que le prophète alayhi salam. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, hein? On l'a frappé pendant une bataille d'Al-Uhud, hein? Sur la tête avec les bouts le truc qu'il avait, l'armure qu'il avait sur la tête, il rentrait dans les yeux du prophète alayhi salatu wassalam, et le sang a collé sur le visage du prophète alayhi salatu wassalam. Et il a dit, salawatu wa salamu alayhi, ne réussira pas un peuple qui fait couler le sang de son prophète alayhi salatu wassalam, qui immacule le visage de ton prophète, de son prophète avec le sang. Subhanallah, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Il se fait frapper, et le maghfar qui ont fait le blesse, le sang colle sur son visage, et sahab tariq al-rifa'iyya, ils ont rien? Qu'est-ce que ça veut dire dans ce cas-là? Wa yaz'umu aydan, ay Sa'id Hawa, li ahli tariqati al-rifa'iyya anna Allah abrada lahum an-nar, fala tu'attilu fihim. وهذه أنواع من السحر والشعوذة الباطلة وما وهو مع ذلك يزعم بأن هذا وأمثاله من الكرامات لشيخهم الكذوب الزنديق أحمد الرفاعي الذي قال فيما نقل عنه أنا مأوى المنقطعين أنا مأوى كل شاة عرجاء انقطعت في الطريق أنا شيخ العواجز أنا شيخ من لا شيخ له فلا يتشيخ الشيطان على رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم عهد مني بالنيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم عهدا عاما إلى يوم القيامة العرش قبلة الهمم والكعبة قبلة الجبال وأحمد يعني نفسه قبلة القلوب أهلا بالله. Et il prétend aussi, pour les gens de cette secte, c'est la secte Rifa'iyya, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a refroidi le feu pour eux. Vous voyez les mécréants d'Inde, ils marchent sur le feu. Hein? Là, vous ne les voyez pas? Tu tombes sur Inde, ils te montrent des gens, tellement ils sont rentrés avec la drogue, en extase, en transe, etc. Ils marchent sur le feu. Ils ne sont pas. Ils sont tellement en transe que Hada. Hada, regarde, il dit, il prétend que cette voie, cette secte Rifa'it, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a refroidi le feu, et donc il leur fait aucun mal. Et ça, c'est une genre de sha'wada, de charlatanisme, et de magie, qui est fausse. Alors que Hada, Sa'id Hawa, il prétend que ça, ce sont des bienfaits avec lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a comblé le cheikh d'Yar Rifa'iyya Ahmed, qui est un grand menteur, un zindir, comme le rapporte ici Cheikh Najmi Hafidhahullah ta'ala. Parce que ces paroles, des paroles d'Yel Zendaka, d'Yel la mécréance. Il dit, Hala Ahmed al-Rifa'i, je suis le refuge de tous ceux qui n'ont pas de refuge. Et je suis le refuge de toute brebis boiteuse, dont le chemin s'est coupé. Et je suis le cher des vieilles et des vieux. Et je suis le cher de celui qui n'a pas de cher. Que Shaitan ne devient pas le cher sur un homme de la communauté de Mohammed alayhi salatu wasalam. C'est un pacte de ma part, par niyab, par représentation du prophète alayhi salatu wasalam. Un pacte général jusqu'à au jour de la résurrection. Il est dans sa tombe. Et il dit, le trône, c'est la qibla, c'est la direction de ceux qui ont des hautes aspirations. Et la Kaaba, c'est la qibla des fronts. Et Ahmed, nous parlons de lui-même, c'est la qibla du cœur. Regardez où est-ce qu'il s'est mis à pied d'égalité. Ahmed, c'est la qibla du cœur. La hawla wa la quwwata illa billah. Hada iftira'un. يريد من أمة محمد التي أخرجها الله سبحانه وتعالى من قبل من الظلمات إلى النور أن يكون شيخها الرفاعي ويعني العرش والكعبة وأحمد الرفاعي قبلة القلوب. هذه زندقة. Donc regardez ce grand mensonge. Il veut de la communauté de Mohammed عليه الصلاة والسلام que الله سبحانه وتعالى sorti des ténèbres vers la lumière. Il veut que son cheikh soit, Saïd Houa veut que son cheikh soit Rifa'i. Parlons du trône de la Kaaba et qu'Ahmed soit la direction du cœur de cette communauté. Vous entendez cette zindaqa? La hawla wa la quwwata illa billah. C'est ça les têtes d'El Ikhwan. C'est comme ça qu'elle présente les leaders à la communauté. Yaqul le cheikh النجمي حفظه الله تعالى معلقا على هذا المقطع قلت فأي زندقة أعظم من هذه الزندقة وأي كذب على الله وافتراء عليه أعظم من هذا الافتراء وأي شرك أعظم من هذا الشرك أتكون أنت يا رفاعي قبلة القلوب فأي شيء أبقيته لله أما سمعت قول الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. Et il dit, Hafidallahu ta'ala, tu sais ce que c'est que la zindaqa? La zindaqa, c'est l'hypocrisie, c'est la mécréance, c'est l'islam. Quoi de plus énorme que cette zindaqa? Et quoi plus énorme que ce mensonge de mentir sur Allah, Azza wa Jal? Et quoi plus énorme que cet associationnisme? Tu veux, toi, Rifa'i, être la qibla des cœurs des gens qui se t'a laissé à Allah? Tu veux que les gens, dans leur cœur, leur direction, ça soit toi. Qui t'a laissé à Allah? Il sait, Cheikh Najmi, de nous citer un verset qui répond à celui qui est dans la difficulté quand il demande et qui dissipe le mal de quelqu'un et qui le sort de l'impasse et qui fait que vous succédiez les uns les autres sur terre. Sinon Allah, est-ce qu'il y a d'autres qui viennent d'être adorés qu'Allah? Allah le musta'an. Fayaqoul le Cheikh حفظه الله تعالى الشيخ النجمي فهذا كفر من أعظم الكفر وشرك من أعظم الشرك شرك مخرج من الإسلام ومن لم يكفر الكافرين الذين يصرحون بالكفر فهو كافر وما أكثر هذا وأمثاله في صفوف الصوفية الملاحدة من الادعاءات الكاذبة لحق الله والتطاول عليه فعليهم من الله ما يستحقون من الغضب والمقت وأعظم هذا وأدهى وأمر ما نقله صاحب الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ عن أحمد الرفاعي الغوث وأن الله أبقى تلك الكرامة في أتباعه والمنتمين إليه الصالحين منهم والصالحين. Et ça, c'est une grande mécréance des chers ici. Une énorme mécréance. Et un énorme associationnisme. Un associationnisme qui sort de l'islam. Et celui qui ne prend pas comme mécréant les mécréants qui ont déclaré leur mécréance et les mécréants. Et combien l'exemple de ceux-là sont nombreux dans les rangs d'Yal, Sophia et d'Yal Malahida. Ils prétendent beaucoup de choses, beaucoup de mensonges, qui sont un droit d'Allah Azza wa Jal, hein? Ils prétendent à leur chouyour des choses qui ne sont que le droit, que ne peut faire qu'Allah Azza wa Jal. Et pire que ça, et plus amer que ça, c'est ce que nous a rapporté celui qui a écrit, dévoilé la réalité du soufisme pour la première fois dans l'histoire. Et il dit d'Ahmed al-Rifa'i, le Ghawth, tu sais qui? Moi, quand il, ce sont des termes chez Soufi, le Ghawth, c'est-à-dire tu lui demandes secours, il te sort. C'est arrivé, hein? Et il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala laissait ce bienfait dans les disciples d'Yal al-Rifa'iyya. Que ce soit les vertueux parmi eux ou les mauvais parmi eux et les pervers parmi eux. Ben écoutez ce qu'il dit ici. C'est désolé, mais tu vas entendre de la mécréance. Et celui qui, hein, qu'est-ce qu'il veut? Tu es obligé de passer par là pour comprendre qu'il y a des gens, ils disent n'importe quoi, ils suivent n'importe quoi. Écoutez ce qu'il dit, Hadha. Rifa'i dans sa poésie. لي همة تعلوها على الهمم ولي هوى قبل خلق اللوح والقلم أنا الرفاع طبولي في السماء ضربت والأرض في قبضتي والأولياء خذمي يا الله كل المشائخ يأتوا أباب زاويتي وفوق هاماتهم فاق العلى علمي الله أكبر ولي لواء على الكون على الكونين منتشر وكل أهل العلا ما أنكروا هممي فالجأ بأعتاب عزي والتمس مددي وطف ببابي وقف مستمطرا نعمي مسكين لقد زاد على فرعون في ادعاء الألوهية ففرعون ادعى الألوهية على أهل مصر وحدهم أما الرفاع فقد ادعى الألوهية على جميع من في الكون الكونين. Hein? Enfin, dans sa poésie, c'est une poésie qui est très dangereuse, dans laquelle, son cœur, il a dépassé Pharaon. Pharaon, il s'est fait Dieu tout simplement du peuple d'Égypte. Raphaël se l'est fait pour tout ce qui existe dans l'univers. Subhanallah. Yada, Chouf Saïd Houa, il le présente à la communauté comme quoi c'est quelqu'un qui, et ses disciples sont comblés de bienfaits. Où sont les raisons de cela? Wallah, il a dit vrai, Shqiri Rahimahullah Ta'ala, qui est un savant égyptien. Est-ce qu'il y a un marché de raisons, se vendre les raisons pour les acheter à ceux-là? ومن أوراد الطريقة الرفاعية التي ذكرها محمود عبد الرؤوف القاسم في كتابه الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ وأرجو أن تكره نفسك على قراءة هذا القرف الذي يسمى بورد الطريقة الرفاعية لصاحبها أحمد الرفاعي الذي يزعم سعيد حواء أنه أعطي معجزة الخليلين إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما قال في صفحة 145 ومن أوراد الطريقة الرفاعية ويستعملها غيرهم فكفى به برهان عين علمك المكنون بسر معنى النون ودقيقة أمرك المصون يتجلى بها إشارة كان فيكون واسطة الكل في مقام الجمع ووسيلة الجمع في تجلي الفرق رحمة للعالمين قبل العالمين تأمل قوله واسطة الكل في مقام الجمع ووسيلة الجمع في تجلي الفرق إلى أن قال رحمة للعالمين قبل العالمين ترى هنا أنه يلون وحدة الوجود في قوالب مختلفة فتارة يجعل نفسه هو الله كما في القصيدة وتارة يجعل ربه هو كل ما يشاهد من المخلوقات تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا وهو ما يشير إليه بقوله واسطة الكل في مقام الجمع ووسيلة الجمع في تجلي الفرق وتارة يجعل الله عز وجل هو النبي والنبي هو الله مرسلا منه إليه رحمة للعالمين قبل العالمين قبل أن يوجدوا يشير بهذا إلى ما يقرره الصوفية أن محمدا صلى الله عليه وسلم أصل الموجودات كلها، ولا تسأل كيف ذلك وقد ولد من آمنة بنت وهب القرشية ومن أبيه عبد الله بن عبد المطلب، بعد أن مضت أمم وأزمنة، لأنك لا تعرف إشارة صوفيا إلا إذا خرجت من عقلك تماما. Donc, et aussi dans celui qui a écrit dans le livre de celui qui a écrit pour dévoiler la réalité des sophismes pour la première fois dans l'histoire, Abd al-Ra'ouf al-Qasim, dit « Je te supplie de t'imposer à écouter cet égarement, à lire cet égarement, qui s'appelle l'Ouird, le dhikr chez Rifa'iyya. » Il se dit qu'il le rapporte directement de leur shir. Et Hawa prétend que Rifa'i a eu les deux miracles. Le miracle de Mohammed alayhi salam et le miracle d'Ibrahim al-Khalil. Alayhi salatu wassalam. Il a dit à la page 245, dans la réalité du Sufi pour la première fois dans l'histoire, fait partie des dhikr de Rifa'iyya et d'autres l'utilisent aussi. Et dans ce truc, il y a dedans la confirmation et l'approbation d'Yal, l'unicité de l'existence. Des fois, mais il la ramène avec des textes différents à chaque fois. Hein? Des fois, il fait de lui-même, référer de lui-même qu'il est Allah. Comme dans le poème qui passait avec nous. Des fois, il fait d'Allah Azza wa Jal que c'est toute chose qui se voit dans l'univers, parmi ses créatures. Et des fois, il fait qu'Allah, c'est le prophète. Et ainsi de suite. Et tu poses pas là. Pour comprendre et pour être adepte du groupe Sophie, il faut que tu laisses de côté ta raison. Parce que quand tu sais que Mohammed alayhi salatu salam, il est né de Amina bint Wahb, la Qurayshite, et de son père Abdullah ibn al-Muttalib, et beaucoup de communautés sont passées avant que Mohammed alayhi salatu salam ne vient au monde, tu peux pas comprendre. Avec une raison, tu peux pas. Il faut laisser ta raison de côté pour que tu puisses plonger dans le monde du sophisme. Donc il y a des passages, c'est même pas dans l'iyadan billah, de les lire. Allah al-musta'an. Fadi kulluha fi hadha al-kalam alladhi qara'na معاني وإيحاءات تدل على وحدة الوجود، وأنا لم أترجم منها إلا يسيرا. كيف كل الموجودات أصلها محمد عليه الصلاة والسلام؟ بل يقولون إن الموجودات خلقت من نور المحمدي. Donc, ils savent tout ce qui s'est passé dans ce paragraphe-là et dans ce commentaire. Hein? Tout ça, ce sont, il y a dedans des définitions et des insinuations de l'unicité de l'existence. Il y a aussi dans le fait que tout ce qui existe découle de la lumière de Mohammed alayhi salatu wassalam, comme disent les soufis. Hein? Comment ça? Il est né comme Mohammed alayhi salatu wassalam? Il a défoncé le monde ou quoi? Alayhi salatu wassalam. Hein? Et Huma, ils disent, ils croient dur comme fer, comme quoi Mohammed alayhi salatu wassalam, tout ce qui a été créé après, il descend directement de la lumière de Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc c'est pour ça. Que pour comprendre les termes et les expressions d'Yel Sophia, il faut que tu laisses ta raison dans le placard. فاتقوا الله يا من تتشيعون للإخوان وتنتمون إلى منهجهم وتدافعون عنهم فإن الولاء والبراء لله وفي الله إن الله عز وجل أمرنا أن نتبرأ من أهل الباطل وإن كانوا أقرب الناس إلينا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. سورة التوبة 23-24. Donc, Cheikh Najmi de dire, préservez les droits d'Allah Azza wa Jal, ou vous qui êtes sympathisant d'Yal Ikhwal Muslimin, ou vous qui êtes adepte d'Yal Ikhwal Muslimin, ou vous qui rentrez dans la voie d'Yal Ikhwal Muslimin et que vous les défendez. Où il est l'alliance et le désaveu pour Allah et on Allah? Allah Azza wa Jal nous a ordonné de désavouer les gens du faux. Et qu'on soit, qu'on soit proche des gens du bien et qu'ils sont sur la bonne voie. Et les gens du faux doivent s'en éloigner même s'ils sont les plus proches de nous. Dans Surat Tawba, verset 23-24, ce verset nous dit, « Oh vous qui avez cru, ne prenez pas vos parents, vos frères, alliés, s'ils préfèrent la mécréance à la foi. Celui qui s'allie à eux, parmi vous, ceux-là font partie des injustes. Dites, c'est vos parents, vos enfants, vos frères, vos femmes, ceux de votre tribu, vos proches et votre fortune que vous avez amassée et que vous avez peur de perdre cette fortune et que vous avez peur de perdre vos maisons et que ceci soit mieux pour vous et plus préférable pour vous qu'Allah et son messager et que ce soit plus préférable pour vous qu'Allah et son messager et un combat sur le sentier d'Allah, attendez. Attendez l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne guide pas les pervers, les gens pervers. Regardez cet avertissement min Allah Azza wa Jal. Pour ceux qui s'allient avec les gens du faux. Le faux, on doit s'en éloigner. Il fait partie de nos règles. فيا من ربيتم بلبان التوحيد وغديتم بدروسه في جميع مراحل تعليمكم أتبعون الحق الذي نشأتم عليه بباطل الله أعلم بحال أصحابه إن الباطل وإن زوق وحسن بكثير من المحسنات فهو باطل أوفو كي تدوكيك وزيت أبغوفي avec un lit du monothéisme. Et vous avez été éduqué avec des cours dans le monothéisme. Donc, ça, il s'adresse aux gens d'où? De la Mecque, de Médine, etc. Aux différentes étapes de votre enseignement. Est-ce que vous allez vendre la vérité que vous avez, sur laquelle vous avez été éduqué, vous allez la vendre pour le faux? Selon Allah, subhanahu wa ta'ala, connaît la situation des gens de ce faux. Alors que le faux, c'est le faux, même si on l'embellit. Mais si, on le décore, il restera toujours du faux. Il sera toujours non avenant. Idan fa'iyu da'watin qamat li tuharib al munkarat. Wa taqdi ala al ibahiyati. فيما تزعم وهي قد تركت الأصل الذي عليه ينبني يبنى الإيمان وبه تقوم العقيدة فإنها باطلة شاء أصحابها أم أبوا ورضوا أم كرهوا donc toute da'wa qui s'accomplit sur le fait de combattre le blâmable et de combattre tout ce qui est mauvais etc. dans ce qu'il prétend et il a délaissé le fondement principal qui est le monothéisme sur lequel se base la foi, sur lequel s'accomplit l'aqida et les croyances, c'est une da'wa qui est fausse, non avenante. Que les adeptes de cette da'wa l'acceptent ou là qu'ils ne l'acceptent pas, c'est faux. Et toute da'wa qui ne se base pas sur le monothéisme, c'est une da'wa qui fait plus de mal que de bien. وتوضيح ذلك أن الدعوة إلى ترك الزنا مثلا والربا وشرب الخمر هي دعوة إلى حق ولكن يجب أن تكون بعد تصحيح العقيدة فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث 20 سنين لا يدعو إلى شيء سوى التوحيد يقول لقومه قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قولوا لا إله إلا الله كلمة تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب وبعد كمال 10 سنين عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس، وحتى بعد أن هاجر إلى المدينة وفرضت الفرائض وشرعت الأحكام وبين الحلال والحرام، ما كانت دعوته إلا إلى التوحيد أولا، كما في حديث ابن عباس في قصة إرسال النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، قال له: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فاعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. Donc, et pour nous éclairer sur tout ça, Cheikh Najmi de nous faire ce paragraphe, le fait d'appeler à délaisser zina, l'adultère, ou à délaisser l'usure, riba, et à délaisser le fait de boire du vin, c'est une appellation véridique. Mais il faut que cette appellation, cet appel, soit accompagné d'une authentification du dogme et des croyances. Car Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il est resté 10 ans. Il n'appelle vers rien d'autre que vers le monothéisme. Il disait à son peuple: dites la ilaha illallah, ni digne d'être adoré qu'Allah, vous allez réussir. Dites la ilaha illallah, c'est une parole avec laquelle les Arabes vont vous suivre, vont être derrière vous. Dites la ilaha illallah, vous allez posséder les noms arabes. Et ils ont dit, par opposition à cette dawa du prophète alayhi salatu wasalam, à cet appel au monothéisme, ils ont dit: est-ce qu'il a fait que les divinités soient une seule divinité? Ceci est une situation extraordinaire. Et ils ont donné le dos. Il a pris 10 ans de dawa vers le monothéisme. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, l'a élevé. Il a fait son ascension dans les cieux. Et à ce moment-là, il y a eu l'obligation de la prière, des 5 prières. Et une fois qu'il a immigré à Médine, les autres obligations sont arrivées. Et une fois arrivé à Médine, on sait l'éclaircissement et les ordres sur et les obligations halal, haram, etc. sont tournées. Et à Médine aussi, sa da'wa était basée sur le monothéisme en priorité, comme il est dans le hadith de Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu contre Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Une fois installé à Médine, on voit Mu'ad ibn Jabal au Yémen, qu'est-ce qu'il lui dit? Tu vas aller vers des gens du livre, la première chose vers laquelle tu dois les appeler, c'est le fait d'attester qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah azza wa jal. Et s'ils t'obéissent à ça, apprends-leur, annonce-leur qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait obligatoire 5 prières par jour et par nuit. 5, et ainsi de suite. Donc la première des choses qu'il a dit et qu'il a ordonné à Mu'ad, c'est quoi? C'est de les appeler vers le monothéisme et de baser sa da'wa sur le monothéisme. فَمَنْ سَكَتَ عَنِ النَّاسِ يَتَطَوَّفُونَ بِالْقُبُورِ وَيَدْعُونَ أَصْحَابَهَا فِي كُلِّ نَازِلَةٍ وَيَدْبَحُونَ لَهُمْ وَيَسْتَغِيثُونَ بِهِمْ وَيَجْلُبُونَ لَهُمُ النُّذُورَ وَدَعَا إِلَى تَرْكِ الْكَبَائِرِ وَتَرْكِهَا وَتَرْكِ هذا معتقدا أن فاعليه لم يأتوا منكرا فإنه قد أتى منكرا أعظم من كل منكر دعا إلى تركه. ونحن نسأل من نصبوا أنفسهم للدعوة إلى الله هذه الأسئلة ونحب منهم أن يجيبوا عليها بصراحة، وإن لم يفعلوا ويعودوا إلى الحق فالله الموعد بيننا وبينهم. يلدي حفظ الله تعالى السلوي كسوتي voit des gens tourner autour des tombes et que ces gens-là appellent les morts qu'il y a dans les tombes, dans tout ce qui leur arrive, ils égorgent pour ces tombes, ils demandent secours à ceux qui sont dans les tombes, ils ramènent leurs vœux, leur fortune, ils déposent les lumières, l'argent, etc., les bêtes. Et en voyant ceci, il appelle à délaisser les péchés capitaux, à délaisser zina, à délaisser hada, en croyant que ces gens-là qui agissent ainsi, autour des tombes, etc., ils n'ont pas fait quelque chose de mal. Celui-là, il a accompli quelque chose de grave, quelque chose d'énorme, un énorme blâmable. Et il a fait pire que ce qu'il combat. Il combat, soi-disant, zina, le fait de boire du vin, le vol et le riba, mais en délaissant Hado dans leur associationnisme, il a fait pire qu'eux. Pire que ceux qui sont dans le riba. Il cherche de dire, et nous posons la question à ceux qui se sont fait de hâte il Allah, qui se sont accaparés du champ de la da'wa il Allah, nous leur posons ces questions, et nous aimons qu'ils nous répondent à ces questions, clairement. Et s'ils ne le font pas, qu'ils ne reviennent pas à la vérité, le rendez-vous est devant Allah, Azza wa Jalla, entre nous et eux. Hein? C'est la parole du Cheikh Najmi Hafidhahullah Ta'ala. C'est-à-dire que là, il va leur poser cette question. Et c'est cette question, il va les mettre au coin. Il faut qu'ils répondent à ces questions. Il est à quelle heure, la chambre? السؤال الأول هل ما يفعله العام عند قبر الحسين والسيدة زينب وقبر البدوي وغيرها من الدعاء لأصحابها والاستغاثة بهم في جلب النفع ودفع الضر والذبح لهم والنذر وغير ذلك هل ذلك شرك بالله أم لا؟ La première question qu'il leur pose, ce que fait le commun des musulmans autour de la tombe de Hussein et autour de la tombe de Siti Zainab, et autour de la tombe de Badawi, et autres, en appelant directement ces morts, et en cherchant secours directement auprès de ces morts, pour leur ramener le bien, et pour repousser le mal d'eux, et ils égorgent pour cette tombe, ils font des vœux pour cette tombe, est-ce que ça c'est de l'associationnisme ou pas? Hada, c'est la première question que Cheikh Hafidhahullah Ta'ala y pose aux Ikhwan et aux leaders de l'Ikhwan. Sual Tani. إذا لم يكن ذلك شركا فما هو الشرك الذي بعثت من أجل محاربته الرسل وأنزلت الكتب وجردت من أجله السيوف وخلقت من أجله الجنة والنار. La deuxième question, c'est ceci, ce que font les gens autour des tombes, ce n'est pas l'associationnisme. C'est quoi l'associationnisme pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers combattre? Et pour lequel les livres sont descendus? Et pour lequel, c'est quoi l'associationnisme? Pour lequel les épées ont été sorties de leur fourreau? Et pour lequel, c'est quoi l'associationnisme? Pour lequel, hein, le paradis et l'enfer ont été créés? Ça, c'est la deuxième question qu'il leur pose. La troisième question, سؤال ثالث, هل من دعا صنما منحوتا من خشب أو حجر أو غير ذلك على صورة ولي ومن دعا الولي نفسه أو سجد له أو تطوف بقبره وهتف باسمه سواء أم لا. إلى la troisième question. C'est celui qui demande à une statue, sculptée ou pas sculptée, qu'il soit de bois ou de terre, ou là de pierre, ou autre, en forme sur l'image d'un wali. Et celui qui demande directement à l'wali, et qui se prosterne pour le wali, qui tourne autour de la tombe du wali, et qui appelle, ya Badawi donne-moi, ou la ya Siti Zainab donne-moi. Est-ce qu'ils sont égaux ou pas? Il faut qu'ils répondent à cette troisième question. Sual al-rabi' من دعا الناس إلى التعبد بالذكر والنوافل وترك المنكرات وهم منهمكون في هذه الشركيات مصيب أم مخطئ. La quatrième question, Cheikh de leur dire, celui qui appelle les gens à se rapprocher de Allah, Azza wa Jal, avec des invocations et avec des surrogatoires, et à délaisser le blâmable, alors qu'ils sont plongés dans l'associationnisme, est-ce qu'il est dans le vrai ou là il est dans le faux? سؤال الخامس وهل دعوته موافقة لدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو مخالفة لها؟ فإن قلتم موافقة لها فهاتوا الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من أحد أن يكون مسلما من دون أن يكفر بكل ما يعبد من دون الله. ووالله لن تجدوه ولن تجدوا إلا ما هو شجى في حلوق القبوريين قذا في عيونهم. إلى cinquième question, est-ce que celui qui fait cette da'wa là, sa da'wa est conforme à la da'wa du prophète alayhi salam, ou il est en divergence avec la da'wa du prophète alayhi salam, qui appelle dans le fait de délaisser le blâmable et qui laisse les gens plonger dans l'associationnisme? Est-ce que sa da'wa va de pair avec la da'wa du prophète alayhi salam? Si vous dites ils vont de pair, ramenez votre preuve. ramener votre preuve comme quoi le prophète alayhi salatu wasalam a accepté de quelqu'un de rentrer dans l'islam et d'adorer autre qu'Allah azza wa jal. Sans mécroire en tout ce qui s'adore en dehors d'Allah azza wa jal. Par Allah, leur dit, cher, vous ne l'allez pas trouver. Et vous n'allez pas trouver. Et il dit ça, c'est une épine dans les yeux des al-Qaburini, ceux qui adorent les tombes. وإن قلتم بل هي مخالفة لها لزمكم أن تقولوا واحدا من أمرين وتتبعوه بالعمل إما أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة سائر الرسل هي الحق الذي لا شك فيه ولا محيص عنه لأنهم يسيرون في دعوتهم بوحي من الله وأمر منه تعالى كما قرر ذلك في كتابه حيث يقول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Si vous dites la دعوة de ceux qui laissent les gens baigner dans l'associationnisme et qui blâment juste les péchés capitaux, etc., est une da'wa qui est en divergence avec la da'wa du prophète, alayhi salatu wasalam. Il faut que vous suiviez ce que vous dites d'actes. Ou alors, vous allez dire l'une des deux choses et vous allez la suivre d'actes. Soit la da'wa du prophète alayhi salatu wasalam et la da'wa des autres prophètes alayhi salatu wasalam sont vrais. Ils sont véridiques. Il n'y a aucun doute dedans. Et personne ne doit sortir de cette voie. Et personne ne doit sortir de la voie de la da'wa. Et que leur da'wa, les messagers alayhi salatu wasalam, sont marchés hein, avec la révélation min Allah azza wa jal. Comme il est dit dans ce verset que nous cite Cheikh, chaque fois, tout messager que nous avons envoyé avant toi, on lui a révélé, il n'est dit n'être adoré qu'Allah, adorez-moi. C'est-à-dire, adorez Allah, Azza wa Jal. Wa imma an taqulu anna da'wat ghayrihi hiya as-sawab wa da'watuhu hiya al-khata. Wa la ara anna ahadan yantami ila shari'ati yastati'u an yaqula hadha, li'annahu law qalahu lazimahu al-kufr. Ou alors, le deuxième point, vous allez dire que la da'wa d'autre que le prophète alayhi salatu wasalam, c'est elle la vraie. Et la da'wa du prophète alayhi salatu wasalam est fausse. Et il dit, je ne crois pas quelqu'un qui appartient à la législation peut se permettre de dire ceci parce que s'il le dit, il tombe dans la mécréance. Directement. Il tombe dans la mécréance. Wa huna al-shaykh al-najmi hafidhahu Allah وجاء أسئلة صحيحة للإخوان المسلمين وإن بغي لطالب الحق وطالب العلم أن يتأمل في هذه الجماعة التي عمت وطمت وانتشرت وفرخت في العالم الإسلامي واستقطبت كثيرا من شباب المسلمين وخدعتهم ورمت بكثير في السجون مع ما فيها من البلايا. تأملوا هذه الأدواء المتفشية والمتغلغلة داخل هذه الجماعة. Cheikh Najmi Hafdallahu Ta'ala, il lui aura posé des questions, il les a acculés dans le coin, dans le fait accompli. Il appartient à tout demandeur de la vérité, à tout un chacun qui se respecte, qui respecte la religion d'Allah Azza wa Jal, et qui demande la science de méditer la situation de ce groupe. Ce groupe qui a perturbé le monde musulman, et qui a perturbé la jeunesse musulmane. Ce groupe qui s'est propagé à travers le monde musulman et le monde non musulman. Et qui s'est accaparé de l'esprit des jeunes et qui a trahi les jeunes. Combien de jeunes sont dans les prisons maintenant avec l'esprit d'Yel Ikhwan? Combien de jeunes sont tombés dans les prisons? Combien de jeunes sont morts dans les prisons avec l'esprit d'Yel Ikhwan? L'Ikhwan porte des catastrophes dans leur ménage. Des énormités dans leur ménage. Et, tu sais, ils monnaient courante même de nos jours. Donc nous devons connaître la réalité de ce groupe. فهذه الجماعة هل تصلح للقيام بالدعوة؟ والله لا تصلح للقيام بالدعوة. هي أصلها يجب أن تدعى. وهل تصلح هذه الجماعة لتصلح أحوال المسلمين؟ ففقد الشيء لا يمكن أن أعطيه. فاقد الشيء لا يعطيه. والتاريخ والواقع أكبر دليل على هذا. فهذه الجماعة الآن أكثر من 80 سنة ما يعرف أن هذه الجماعة قامت دولة سلفية على التوحيد والسنة. وإنما يعرف عنها أنها تبحث عن هدم الدولة السلفية الموجودة، وأثبتت لنا وقائع أفغانستان أنها هدمت إمارة كونر، الإمارة التي كان يدرس فيها التوحيد وكان قائم عليها جميل الرحمن، واغتالته هذه الجماعة ومكرت به. وما يعرف عن هذه الجماعة أنها قامت دعوة سنية على عقيدة صحيحة ودعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك والخرافات أبدا، وإنما المعروف عنهم العكس، لا يدعون إلى التوحيد ولا يقيمون له وزنا ولا ينكرون الشرك. ومرت معنا أمثلة كثيرة لكبارهم، فالإخوان لهم دعوة في مصر، في الشام، في شمال إفريقيا، في أوروبا، في أمريكا، في السعودية، فمجالهم واسع، ومع ذلك ما أقاموا السنة ولا التوحيد. ولا أقاموا علما منذ 80 سنة. يلا أعطينا عالم تخرج من عند الإخوان المسلمين، قارنهم بدعوة الشيخ مقبل التي نشأت بعد نشأة الإخوان بسنين. كم من طلاب العلم في العالم الآن للشيخ مقبل؟ كم من دعاة إلى الله عز وجل تخرجوا من مركز الشيخ مقبل؟ كم من بدعة أميتت في اليمن بجهود بفضل الله عز وجل ثم بجهود الشيخ مقبل؟ وكم من كم؟ قارنهم بدعوة الشيخ الألباني رحمة الله عليه. يقول فيه الشيخ ربيع: الشيخ الألباني دولة بوحده، قام بما تقوم به دولة واحدة بوحده. أين الإخوان من كل هذا؟ أين طلاب العلم والدعاة إلى التوحيد عند الإخوان؟ لا يوجد. ابحث 80 سنة. هذه قصاصون موجودون، مغفلون يغفلون الأمة موجودون، دعاة فساق كعمر خالد وغير موجود، طعان في صحابة رسول الله كسويدان وغيره موجود. وهل هم علماء؟ لا. هذا تخرج فيه وضع عنده دكتورة في البتروليات وكذا، أين كان قصص الأنبياء؟ لا، أين قرأت أنت؟ دونك est-ce que maintenant ce groupe qui est ainsi peut faire le bien d'une communauté pour amener l'âge d'or à la communauté? Ce groupe a besoin d'être appelé vers l'authenticité de l'islam, car celui qui n'a pas une chose, il ne peut pas la donner. Et l'histoire, il est là devant nous. L'histoire est la plus grande des preuves. C'est jamais à ce groupe. Il a plus de 80 ans maintenant. Et il ne sait pas que c'est jamais a accompli ou là. Nous a fait un état islamique ou là un état salafi. Loin de là. C'est Jama'a, il met tous ses efforts pour combattre l'état islamique, l'état salafi qui est sur terre, qui est l'Arabie Saoudite. Et de le dénigrer. Tous les moyens, les utilisent contre les états. C'est Jama'a, ce qu'on lui connaît dans l'histoire contemporaine, c'est qu'ils ont détruit la principauté de Konar, qui était une principauté où on enseigne, où il y avait des écoles du monothéisme et de la sunna, sous la, l'émra de Cheikh Jamil Rahman. Rahimahullah ta'ala. Ils l'ont assassiné. Ils sont réunis avec d'autres éclatés pour assassiner Cheikh Jamil Rahman, Rahimahullah ta'ala. Alors que dans Konar, et la principauté de Konar, s'accomplissait la législation de Allah Azza wa Jal. Il a brûlé les champs d'Yel Hachich, les écoles, l'enseignement d'Yel Tawhid et de la Sunna. Et ça, ça les a gênés, ça les a irrités dans leur cœur. Ils sont plongés avec les Tkfiriyin, avec le Rafida, avec tout le monde. Ils se sont réunis pour le battre et pour anéantir cette principauté de Konar. On ne connaît pas de Sid Jama'a un bien dans la communauté. On connaît que des catastrophes de Sid Jama'a. On ne leur connaît pas un travail, des efforts dans le combat de l'associationnisme, ni dans l'enseignement de l'unicité. Montre-moi un de leurs savants qui a enseigné le livre d'Yel Tawhid, ou là qui a terminé l'enseignement d'Yel Kitab, le Bukhari ou autre. Trouve pas, Yakha l'Islam. 80 ans, montrez-nous une école d'Yel Ikhwan qui nous a sorti un savant maintenant. Mais maintenant qu'on part, il faut que tu sois doué de raison, tu utilises ta raison là où il faut. Depuis quand le centre de Cheikh Mokbel a existé? Bien après l'Ikhwan al-Muflisoun. Ils l'ont combattu, ils ont essayé de le combattre pour qu'il n'ait pas d'aile. Et pourtant, Le centre d'El Sheikh Mokbil nous a sorti beaucoup de du'ad, beaucoup de savants à travers le monde. Partout à travers le monde. Regarde la da'wah. Combien d'innovations avec l'aide d'Allah Azza wa Jal et après les efforts d'El Sheikh Mokbil et ses élèves ont été anéantis à jamais au Yémen. Regarde. Cette connaissance que nous avons maintenant d'El Ikhwan, regarde les efforts dans les livres des élèves d'El Sheikh Mokbil, combien il y a. Regarde aussi ce qu'a fait Sheikh Nasser tout seul. Malgré que l'Ikhwan, il est sauvé à travers le Sham, le combat. Regarde ce qu'il a fait à lui tout seul. À tel point que Sheikh Rabi'i dit, Sheikh Nasser, rahmatullah, a fait ce que ne peut faire qu'un État. À lui tout seul. Ce qu'a fait Sheikh Nasser, il faut un État. Pour le faire, pour l'accomplir. Et Sheikh Nasser, il l'a fait tout seul. Malgré les manigances d'El Ikhwan, malgré ceci et cela. Mais où sont les savants d'El Ikhwan? Montrez-nous-le. Hein? Sheikh Nasser, il dit lui-même, ça fait combien de temps que vous êtes sur le terrain? Montrez-nous des savants que vous avez sortis à la communauté. Rien. Et nous arrêtons là, Inch'Allah. Subhanakallah, wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu alayhi wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.